إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous poursuivons et clôturons inshallah ta'ala aujourd'hui cette série de cours intitulée Pour un Ramadan réussi. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que toute chose présente dans cette vie d'ici-bas est amenée à disparaître. Ceci afin que les croyants en tirent des leçons et accourent vers les bonnes œuvres tant que cela leur est possible. Méditez la vitesse à laquelle les jours et les nuits se succèdent et sachez que ces jours et ces nuits qui s'écoulent font que notre temps de vie diminue et que tournent les pages de nos actions. Hier, nous recevions la bonne nouvelle de l'entrée de ce mois béni de Ramadan. Demain, nous lui ferons nos adieux. Ce mois s'en ira et témoignera de toutes nos œuvres. Le bienheureux et le bonheur sera accordé à ceux en faveur desquels le mois de Ramadan témoignera et intercédera. Et malheur à celui contre qui Ramadan témoignera. Nous devons quitter ce mois de Ramadan de la meilleure des manières. Clôturer ce mois de jeûne, de prière nocturne, ce mois de la récitation du Coran, ce mois des aumônes, nous devons le clôturer comme il se doit et de la plus belle des manières. Faisons en sorte de garder après Ramadan à la fois ce cap et cette vitesse de croisière que nous nous sommes fixés pendant Ramadan. Certains n'adorent Allah que pendant le mois de Ramadan. Ils accomplissent leurs prières à l'heure, multiplient les récitations du Coran, dépensent de leurs biens pour Allah. Puis, lorsque Ramadan s'en va, ils se relâchent, font preuve de paresse vis-à-vis de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils délaissent la prière en groupe, délaissent la prière du vendredi et accomplissent de nouveau les grands péchés qu'ils avaient pourtant stoppé pendant Ramadan. Ces personnes agissent comme si les adorations et les efforts produits pendant Ramadan allaient compenser les turpitudes, les péchés et les manquements commis durant le reste de l'année. Ces personnes ont-elles oublié que le pardon des péchés est conditionné au délaissement des grands péchés? Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits. Et quel péché plus gravissime après le polythéisme que le délaissement de la prière? L'abandon de la prière qui est devenu pour certains une normalité, wal'iyadhu billah. Certains salafs, lorsqu'ils ont été questionnés au sujet de personnes qui accentuent leurs adorations durant Ramadan, mais lorsque celui-ci se termine, ils manquent à leur devoir et commettent les péchés. Ces salafs répondirent: « Comme est mauvais le peuple qui ne connaît Allah que durant Ramadan. » En effet, s'ils connaissaient véritablement Allah Azza wa Jal, ils le redouteraient à chaque instant. Les croyants se réjouissent de la fin de Ramadan, car ils ont pleinement profité durant celui-ci, et ils espèrent récolter le fruit de tous ces efforts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres se réjouissent de la fin de Ramadan pour sombrer dans les abîmes de la désobéissance. Ils se considéraient comme les prisonniers de Ramadan, et une fois Ramadan terminé, ils se croient enfin libres. En réalité, les voilà redevenus esclaves de leurs péchés et de leurs passions, al-'iyadhu billah. Sachez également, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré lors de la clôture de Ramadan des adorations qui nous rapprochent encore plus de lui, subhanahu wa ta'ala. Il a notamment légiféré Zakat al-Fitr comme un moyen par lequel le jeûneur se purifie des mauvaises paroles et du mal qu'il aurait pu faire pendant Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a prescrit cette zakat envers le petit et le grand, les hommes et les femmes. Cette zakat, al-fitr, est une purification pour le corps, c'est un réconfort pour le nécessiteux et une nourriture pour le pauvre. Le musulman la donne pour lui et pour ceux qui sont sous sa tutelle, comme épouses et enfants, même ceux encore dans le ventre de leur mère. Le musulman la donne également pour toute autre personne étant sous sa responsabilité. Zakat al-Fitr se donne dans le pays dans lequel se trouve le musulman au moment de la clôture de Ramadan, et ceci même si le reste de sa famille se trouve ailleurs. Quant au moment dans lequel cette zakat est donnée, il commence après la prière du Maghrib, du dernier jour du jeûne, autrement dit la nuit de l'Aïd. Et ce moment dure jusqu'à la prière de l'Aïd. Néanmoins, il est autorisé de la donner un ou deux jours avant l'Aïd. Quant aux personnes qui mandatent autrui ou qui mandatent une association pour sortir Zakat al-Fitr ou en son nom, il lui est autorisé de leur remettre la nourriture même plusieurs jours avant l'Aïd, à condition que son mandataire la sorte lui un ou deux jours avant. Donner Zakat al-Fitr juste avant la prière de l'Aïd est le meilleur moment pour celui qui le peut. Quant à donner cette Zakat al-Fitr après la prière de l'Aïd, les savants ont divergé et l'avis le plus prépondérant est que cela n'est pas autorisé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man addaha qabla s-salati fahiyya zakatun maqaboulah wa man addaha ba'da s-salati fahiyya sadaqatun min as-sadaqat » Celui qui la donne avant la prière, c'est-à-dire de l'Aïd, c'est une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, c'est-à-dire de l'Aïd, c'est une aumône parmi les aumônes. Quant aux ayants droit de Zakat al-Fitr, ce sont les pauvres et les nécessiteux parmi les musulmans. Quant à la quantité, c'est un sa' de blé, ou d'orge, ou d'atte, ou toute nourriture principale d'un pays, comme le riz, le maïs ou autre. Et le sa' correspond à peu près 2400 grammes. Il n'est pas permis de donner Zakat al-Fitr en argent, car cela contredit tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que les dirhams et les dinars existaient au temps du prophète alayhi salatu wa sallam. Et s'ils étaient autorisés pour Zakat al-Fitr, le prophète alayhi salatu wa sallam n'aurait pas manqué l'occasion d'enseigner cela à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Le peu qui autorise de sortir Zakat al-Fitr en numéraire ne se repose que sur un effort de leur part, un ijtihad. Or cela est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ni le prophète alayhi salatu wa sallam, ni ses compagnons n'ont donné Zakat al-Fitr en numéraire. Sachez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le takbir lors de la clôture de Ramadan. Et ce takbir commence du coucher du soleil, le dernier jour de jeûne, jusqu'à la prière de l'Aïd. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Afin que vous complétiez le nombre de jours manqués, célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, c'est-à-dire au terme de cette adoration, qui est le jeûne du mois de Ramadan, et vous montriez reconnaissant, c'est-à-dire pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala a également légiféré la prière de l'Aïd. Il dit subhanahu, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى En sourate Al-A'la, les versets 14 et 15, Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, « Bienheureux celui qui se purifie, mentionne le nom de son Seigneur et accomplit la prière. » Certains salafs ont dit qu'il s'agit dans ces deux versets de Zakat al-Fitr et de la prière de l'Eid. Cette prière de l'Eid, Eid al-Fitr, qui est une forme de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis d'accomplir l'obligation du jeûne de Ramadan. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la prière de Eid al-Adha en guise de reconnaissance à Allah azza wa jal qui a permis d'accomplir l'obligation du pèlerinage. Ce sont les deux jours de fête chez les musulmans. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a constaté que ses habitants avaient deux jours durant lesquels ils jouaient. Il leur a dit alayhi salatu wassalam, « قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ » Allah a remplacé ces deux jours par deux jours encore meilleurs, le jour du sacrifice et le jour de la rupture, que sont Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Et il est interdit aux musulmans d'innover un jour de fête autre que l'un de ces deux jours. Le Eid est appelé Eid en arabe car il revient tous les ans, accompagné de cette joie et de ce bonheur d'avoir accompli deux des piliers de l'islam, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux musulmans d'accomplir la prière de l'Eid, même aux femmes, même les femmes indisposées qui assistent à ce grand rassemblement des musulmans et participent elles aussi au takbir et aux invocations des musulmans. Sortir pour la prière de l'Eid est un emblème de l'islam et l'un de ses aspects extérieurs les plus prestigieux. Accomplissez donc cette prière et rendez-vous vers celle-ci avec humilité, en baissant le regard, en préservant sa langue et son ouïe, car l'obéissance amène l'obéissance et non son contraire. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré à sa communauté alayhi salatu wa sallam de faire suivre le mois de Ramadan par le jeûne des six jours de Shawwal. Il dit alayhi salatu wa sallam, comme le rapporte l'imam muslim dans son sahih, « Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittim min Shawwal » فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرِ. Celui qui jeûne le ramadan, puis le fait suivre de six jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est-à-dire en termes de récompense. Car la bonne action est multipliée par 10. Jeûner donc ramadan revient à jeûner 10 mois. Et les six jours de Shawwal équivaut au jeûne de 2 mois. Celui donc qui aura jeûné Ramadan et aura fait suivre son jeûne de Ramadan par 6 jours du mois de Shawwal, il aura la récompense de celui qui aura jeûné une année entière. Nous devons donc jeûner ces 6 jours de Shawwal afin d'obtenir et de bénéficier de cette immense récompense que nous a annoncé le prophète alayhi salatu wassalam. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter nos jeûnes, d'accepter nos prières, d'exaucer nos invocations, subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder à toutes et à tous la force nécessaire et la volonté suffisante pour accueillir ces 10 derniers jours de Ramadan de la meilleure des façons, de redoubler d'efforts durant ces 10 dernières nuits et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 dernières nuits de Ramadan comme aucune autre nuit de cette année. C'est une occasion qui nous est offerte et nous demandons à Allah azza wa jalla de nous accorder le temps de vie nécessaire pour les atteindre. Et celui qui les aura atteints et qui en aura profité sera le véritable gagnant dans ce mois de Ramadan et sera celui qui aura véritablement réussi ce mois de jeûne, de prière et de lecture du Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-a'malu bil-khawatim » « Les actes valent par ce qui les clôture. Les actes valent par ce qui les clôture. Ainsi clôturons ce mois de Ramadan de la meilleure des façons afin d'obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus belle et la plus grande des récompenses. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين